Bien, on va commencer cette séance qui prolonge la précédente, qui s'est déroulée, c'était le 5 avril. 5 avril, donc c'était il y a longtemps. Et l'idée de ces deux séances qui sont couplées, c'était de produire une réflexion collective sur les expériences critiques de lutte dans l'ESR depuis quelques années déjà, post-LRU, en gros, et essayer de revenir sur ces expériences, de en tirer peut-être des leçons, en tout cas d'objectiver des perceptions croisées de ces événements, et de réfléchir sur le temps long de ce que ça produit sur nos milieux, hein, ces réformes qui sont aujourd'hui, qui font partie de notre monde, de ce qu'il en reste. Et donc ça c'était une espèce de bilan qu'on a essayé de dresser. Donc il y a Johanna Siméon, Germanos qui était venu évoquer de nouveau sur de nouvelles bases un biais de bloc qui avait publié des émissions qui nous avaient beaucoup marqué début janvier. Et elle avait apporté quelques éléments sur les choses auxquelles on tient, hein, heureusement, notamment le métier d'universitaire, qui nous permet quand même de ne pas complètement trépasser. Il y a encore des choses auxquelles on tient et qui sont de l'ordre de la valeur à défendre. Et c'était important aussi de le dire, puisque à force de critiquer les transformations qui sont aujourd'hui complètement omniprésentes, on a peine à élaborer des discours qui sont aujourd'hui simplement alternatifs, hein, à ces transformations. Donc là, c'était la présentation de Johanna. Ensuite, Bruno Andreotti, à ma gauche, fait une longue démonstration sur comment le néolibéralisme s'incarne, s'implante dans les institutions, les cerveaux, les corps. Et au fil d'une démonstration d'une heure et quart, implacable, a commencé à faire émerger donc des modèles qui, pour le coup, permettraient de rompre avec tout cela, notamment retrouver cette bonne vieille notion d'autonomie, tu as essayé de retravailler dans ton exposé, et de l'actualiser avec une éventuelle projection dans une université future qui serait peut-être un Vincel 2.0. Voilà. Et on n'a pas discuté tant que ça finalement. C'est pour la revenir aujourd'hui dans la discussion, puisque là on va parler de perspectives, d'action peut-être. Et j'avais aussi invité avec Francis, qui coanime la séance, on avait invité Jean-Yves Boturel, entre guillemets, enfin, Pierre-Yves Modicom, donc le représentant de la France Insoumise qui s'était chargé du livret ESR et qui nous avait un petit peu montré les tambouilles autour de la concoction du livret ESR qui tenait en très peu de signes. Donc, on nous a expliqué comment il s'était saisi de ce dossier-là et il l'avait transformé dans le cadre du programme Avenir en commun. Donc là, c'était la dimension très politique, hein, de ces mobilisations. Et tout cela, ça a duré 4 heures, c'était passionnant. Ça aurait dû reboucler sur une séance qui n'a pas eu lieu pour des raisons sur lesquelles je passe. Hélas, et peut-être que s'il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui, c'est qu'on a merdé dans la relance tous. Ouais. Et tant pis. D'ailleurs, j'avais été voir les étudiants qui sont de l'autre côté, qui occupent encore, pour leur confier une prise de parole. Et ils ne sont pas là. Bah, ils ont un atelier ou un séminaire à cette bouille. Ah, d'accord. On n'arrive pas à se retrouver. Ils travaillent, c'est terrible. Ah, bah ça, oui. Ça se superpose. Donc, ça c'était. Voilà. Et donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de réamorcer, réenclencher des vues sur ce que pourraient donner des vraies prises concrètes, des alternatives à ces transformations. Donc, on a invité aujourd'hui donc Léonard Moulin, qui va nous présenter une intervention qui est tirée du chapitre, dernier chapitre du bouquin donc, du collectif Acide, Arrêtons les frais, que vous aviez publié tous, vous étiez une dizaine, hein, 2007. Vous avez publié ça en 2015. Oui, c'est important d'avoir les dates. Et là, précisément, il y a un contre-modèle sur les préinscriptions, sur le service public, l'enseignement supérieur, gratuit, désintéressé, enfin bon, bref, des valeurs qui se perdent aujourd'hui, à l'heure de l'université entreprise. Donc tu évoqueras ces pistes, hein, d'action, cette utopie, hein, qui paraît crédible, je pense, pour les intellectuels, et puis aussi politique, hein, j'imagine que tu donneras des éléments là-dessus. Marianne Dagua, qui qui viendra nous présenter des réflexions sur son expérience à SLU, notamment le site, si j'ai compris. Et ça, c'est une dimension qui est excessivement importante, puisque la première séance, on a beaucoup insisté sur l'expérience, la mémoire des luttes, ne rien perdre. Parce que comme c'est constamment en accélération, ça bouge en permanence, on est constamment pris dans la réaction, dans la posture de réaction, qui nous épuise à terme. Et c'est important d'avoir ces bases, ces données qui permettent d'avoir une vue un peu longitudinale sur ces transformations. Donc là, j'imagine que tu évoqueras cette expérience d'archivage au jour le jour des transformations. Je me suis plongé tout à l'heure dedans, dans le site, et ça m'avait aspiré par tous les billets. C'est presque des rafales, quoi. Ouais, ouais. Et on terminera avec... Surtout en ce moment, je dis. Oui, bah oui, je vois ça tous les jours. Et on terminera avec Christophe Granger, qui nous présentera finalement l'épilogue de son bouquin ultra déprimant à distribution universitaire. Il avait publié en 2015, mais il y avait, voilà, ces quelques petites pages. Hein, donc il y avait possiblement des choses à transformer. Et que donc tu réélaboreras aussi à la lumière de transformation depuis 2015, hein, depuis l'apparition du bouquin, qui a beaucoup circulé, qui a fait émerger pas mal de choses, qui m'avait vraiment bouleversé à l'époque. Oui, en termes d'analyse, je trouvais ça extrêmement pertinent. Et est-ce que tu feras converger avec tes autres travaux d'historien, notamment des sensibilités? Je pense notamment à un texte que j'adore sur le fouet, la flagellation. Un très bel article dans la revue Terrain, les prospérités du fouet. Et là, je pense qu'il y a des... Ça recoupe, hein. Parce que dans toutes ces mobilisations, il y a de la flagellation, hein, il y a de la punition, parfois même de l'autopunition. On s'auto-flagelle beaucoup dans les luttes. Il y a peut-être un côté SM par moment dans les mobilisations universitaires. Bref, on sait qu'on a perdu la partie, mais on y va quand même. Donc peut-être un rapport à la violence symbolique ou presque la jouissance dans la défaite. Peut-être que je projette. Voilà. Bref, peut-être un retour de bâton aussi, hein, pour ceux qui nous souhaitent longueur de journée, donc retourner à la fessée. Et peut-être aussi, et là c'est l'objectif, hein, c'est de réenclencher pour l'année prochaine tous les politiques des sciences, redonner un bon coup de fouet à ce séminaire par une intervention qui, j'espère, nous inspirera tous. Alors sur l'ordre de passage, c'était dans l'ordre de savoir, ça vous va. Ça peut être, enfin comme vous voulez. Non, on peut vous auto-organiser, en fait. Ça peut être ça. Peut-être Marianic. Oui, moi je vois. Et puis après Léonard, comme ça on aurait le temps de brancher. On est très docile, en fait. Moi je veux bien, j'y vais, allez, j'y vais. Tu vas. Tu voulais dire quelque chose, Francis? Non, tu as dit. Enfin, j'aurais pas utilisé les mêmes métaphores, mais. Je parlerais plutôt de délectation morose, moi, tu sais. Mais non, merci de cette d'être venu. Donc, c'est un séminaire, effectivement, le public varie un peu, mais qui a l'avantage de la continuité, parce qu'on est à la 9e année et qu'on continue l'an prochain. Hein, ça a été déposé sur Baobab, l'arbre de la connaissance, n'est-ce pas? Donc, c'est Arnaud, cette fois, qui sera maintenant désormais le chef. Le référent Baobab. Le leader référent. Après et donc, les années, voilà. Et le programme est déjà quasiment composé. Ça, c'est... Je tiens à le préciser. Ah, oui, non, mais ça, on va faire un pot de. On va faire un pot, et là, il y aura du monde. Ah oui, en plus, l'avantage, c'est qu'il y a une terrasse à côté. Non, il faut aller en salle 13. Là-haut, oui, non, oui, c'est un... non mais ouais, il faut l'autorisation du SPA. Ah bon. Pour les pots. Bon, allez, on va voir. Voilà. On y va.